Bon, je présente pas la commission éducation populaire, je commence directement. Bon, donc je vais vous parler du travail pendant 20 minutes. Donc il est un peu plus qu'écart, donc j'arrêterai à 37. Ouais. Ok. Enfin, maximum, je veux dire. Et puis après, voilà, on discutera pendant 40 minutes à peu près. Enfin, bah, jusqu'à ce que Paul et Johannes veulent le parler. Hein. Voilà. Alors, donc, du coup, le travail, c'est quoi? Alors, tout d'abord, comme concept, je ne sais pas si vous avez déjà eu un truc sur le travail. Ouais. Du coup, comme concept, bon, ben, comme vous le savez peut-être, ça vient de Tripalium, qui est un instrument de torture des esclaves fugitifs en Rome antique. Et Tripalium, ça vient donc du latin. Et en réalité, aujourd'hui, comme beaucoup de sociologues du travail l'ont montré, comme Christophe Dejour, c'est ce que David Graeber a appelé les bullshit jobs. C'est des activités qui peuvent être inintéressantes, qui peuvent être dégradantes, qui peuvent être dangereuses ou qui peuvent être exténuantes ou tout ensemble. C'est des discriminations à l'emploi ou même dans l'emploi. C'est des intrusions dans la vie privée. C'est de l'isolement. C'est ce qu'on appelle la mise au placard. C'est des humiliations. Ça peut être du harcèlement. C'est toujours en général du stress. Il y a un chantage permanent à l'emploi, etc. Et donc des menaces. C'est aussi des troubles musculo-squelettiques, particulièrement chez tous les métiers manuels, mais d'autres. C'est des accidents du travail, il y en a beaucoup. C'est des licenciements brutaux, c'est des dépressions. On sait que la France est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs en Europe. C'est des burn-out, et le pire, c'est que c'est aussi des suicides. Et au mieux, il y a aussi des travails qui, en l'apparence, ont l'air d'être agréables. En eux-mêmes, c'est des activités effectivement qui sont épanouissantes lorsqu'elles sont pratiquées pour satisfaire les besoins de nous et de nos proches, comme par exemple l'artisanat ou l'agriculture biologique. Mais notre travail, elles deviennent souvent stressantes, précaires et devant satisfaire des exigences de rentabilité, de compétitivité et de productivité. Et il suffit de penser là à l'écart entre un jardinier épanoui qui fait son potager ou un potager collectif avec ses proches et un agriculteur qui est ultra pressurisé, qui est en général endetté et qui bosse 70 heures par semaine. Et c'est ce dont d'ailleurs va nous parler William à 16 heures de l'agriculture capitaliste. Et au cours des soi-disant 30 glorieuses, ne croyons pas que c'était beaucoup mieux. C'était des femmes au foyer surexploitées. Rappelons qu'en 1955, il y avait 45 milliards d'heures de travail salarié et il y avait 46 milliards d'heures de travail ménager, principalement et quasi exclusivement assuré par les femmes, et c'est pas beaucoup mieux aujourd'hui. C'était 40 heures de travail hebdomadaire, souvent du travail industriel dans des conditions éprouvantes, surtout pour les ouvriers spécialisés qui étaient parfois encore plus exploités quand ils venaient des colonies françaises. C'est aussi tout un système colonial puis néocolonial du capitalisme français, des nombreux accidents du travail industriel. Et d'ailleurs, et ça c'est important de le rappeler, puisqu'il y a quand même pas mal de fantasmes aujourd'hui dans la gauche au général sur les 30 glorieuses, rappelons que c'est aussi contre ce travail des 30 glorieuses que s'est inscrit une partie importante de mai 68, que s'est inscrit l'autonomie italienne des années 70. Et que c'est inscrit aussi, alors ça c'était une phase un petit peu antérieure du capitalisme, en Aragon et en Catalogne en 1936-1937. Alors plus précisément, le travail c'est quoi? Alors Marx nous donne quand même pas mal d'indications là-dessus. Lui, il explique dans l'idéologie allemande que c'est la forme moderne de l'activité. C'est-à-dire, quand on parle ici de travail, on parle de quelque chose qui est spécifique, on ne parle pas de l'activité immémoriale des hommes ou des animaux pour satisfaire leurs besoins. Alors, si vous préférez, on peut appeler ça le travail marchandise. Et cette activité, c'est propre au capitalisme, c'est le fait de devoir la vendre. C'est le fait de devoir vendre cette activité comme marchandise qui, ensuite, doit produire des marchandises, que ce soit des biens ou des services, pour produire de l'argent. Et ce, sous peine de misère sociale. Qui ne travaille pas, ne mange pas ou est dans un état de misère sociale qui, selon les pays, est un petit peu mieux ou un petit peu pire. Et donc, Marx parlait du travail comme marchandage de soi. C'est pas l'activité immémoriale, c'est vraiment quelque chose de spécifique à notre société qui fait que chacun est obligé de vendre son activité. Et du coup, Marx parlait du travail comme l'activité non libre, par opposition du coup à une activité libre. Et du coup, ça nous rappelle que travail, ça vient de trépalium. Et c'est finalement, le travail, c'est le fait d'être contraint à se torturer plus ou moins dans une activité marchandise, à être esclave de l'argent, du capital et du marché, qui soit libéral ou planifié. En URSS, on devait quand même vendre son activité comme marchandise pour produire des marchandises pour un marché, alors là qui était planifié, mais fondamentalement ça changeait pas son caractère. Et donc par là, le travail, c'est l'activité contrainte d'esclavage au capitalisme, et par là c'est aussi esclavage à l'État, parce que l'État prélève une partie de la production d'argent par le travail, production de valeur, et c'est ce dont Anselme va nous parler demain à partir de 17h justement, sur le rôle de l'État et de la politique dans le capitalisme. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a été contraint au travail? C'est historiquement parce que d'abord on a été contraint de payer des impôts, des taxes, des rentes, d'abord aux monarchies puis aux États modernes. Et c'est l'histoire de l'appropriation, de l'extorsion fiscale par l'État, donc avec des impôts qui sont toujours plus croissants du 15e au 21e siècle. Et c'est aussi l'appropriation capitaliste des terres communes ou des terres paysannes qui a fait qu'on n'avait plus le choix que de travailler, de produire des marchandises. Et surtout, ça c'est un autre épisode qui est très important, dont Marx parle à la fin du Capital, c'est le fait que dans le capitalisme, on est obligé de vendre son activité comme marchandise parce qu'il y a eu une dépossession progressive des moyens de production autonome, alors principalement dans les campagnes du coup. Et donc ça, c'est toute l'histoire des enclosures en Angleterre, mais on voit encore ce phénomène aujourd'hui avec ce qu'on appelle le land grabbing, c'est-à-dire des millions d'hectares qui sont progressivement achetés par des investisseurs étrangers en Afrique et qui du coup exproprient les paysans vivriers qui y vivaient encore. Et cette contrainte au travail, c'est le capitalisme nous a dépossédés de notre capacité à nous auto-organiser collectivement pour satisfaire nos besoins. Et donc c'est toute l'action de l'État dans le démantèlement des communes paysannes du Moyen-Âge, même si elles avaient aussi il y avait aussi des formes de domination de cette commune, mais elle a été démantelée. Et l'ensemble des répressions ultérieures au 19e siècle et au 20e siècle de toutes les communes qui tentaient d'échapper à la logique capitaliste, et que ce soit en Aragon et en Catalogne en 1936 et 1937, ou pendant la Révolution russe, où il y a eu énormément de communes qui ont été proclamées et qui ensuite ont été réprimées par l'État capitaliste soviétique. Et donc, pour reprendre les grands concepts de Marx par rapport au travail, il explique que c'est donc le fait d'être exploité ou de s'auto-exploiter pour produire des marchandises. Parce que l'agriculteur qui est formellement son propre patron doit quand même s'auto-exploiter, travailler 70 heures par semaine pour vendre suffisamment de marchandises sur le marché pour survivre économiquement. Et enfin, c'est aussi une aliénation. Ça, c'est un concept qui peut paraître assez compliqué, mais en réalité, en allemand, ça veut simplement dire être dépossédé de soi. Ça veut dire que pendant un certain temps, on est dépossédé de son activité propre, de son autonomie, et on devient une fonction d'encaissage si on est caissière, une fonction de réparation si on est réparateur, ou une fonction de plomberie si on est plombier. Et ça veut aussi dire donc se vendre. C'est pour ça qu'en français, quand on vend un bien chez le notaire, on dit, ça vient du aliéner un bien, ça veut dire s'en défaire et le vendre. Et c'est aussi un autre mot qui a l'air un peu compliqué, c'est aussi le travail, une réification. Et rei, ça vient de chose en latin en fait. Et donc c'est en fait une chosification, c'est-à-dire une transformation de soi en chose qui répare, en chose qui produit, en chose qui fait de la plomberie, en chose qui encaisse. Et d'ailleurs, les travailleurs en tchèque, c'est robot. Donc ça signifie bien cette transformation de l'être humain en chose dans le processus de production capitaliste, dans le travail. Et du coup, Marx a même utilisé un terme encore plus provocant. Il dit que le travail, c'est une prostitution généralisée du travailleur. Qu'on prostitue son cerveau si on est ingénieur, qu'on prostitue ses bras si on est ouvrier, qu'on prostitue sa voix et son écoute si on est dans un call center, ou qu'on prostitue son corps sexuel dans ce qu'on appelle génériquement la prostitution. Mais pour lui, c'est juste un cas particulier. Et même qu'on vende ça à son voisin ou à un patron, donc c'est pas l'apologie non plus de... Est-ce que c'est un lien social souhaitable d'avoir avec ses voisins, d'être un petit auto-entrepreneur et de se vendre des services mutuellement? C'est une prostitution aussi qu'il y a un Mac ou pas. C'est, quand il n'y a pas de Mac, c'est juste qu'on s'auto-exploite pour son compte. Et du coup, le problème, c'est que cette activité marchandise, ce travail, cette dégradation asservissante d'activités qui sinon seraient épanouissantes et en plus connaît une mutation depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire qu'elle est toujours moins nécessaire au processus de production capitaliste parce que les travailleurs sont remplacés progressivement par des machines, des nouvelles technologies et des robots, au point qu'on parle depuis 30 ans de chômage technologique et de chômage structurel, et qu'on projette, pas mal de sources projettent une automatisation d'au moins 48% des emplois d'ici 2030, ce qui fait à peu près un taux de chômage d'à peu près 50 ou 60%. Et ce qui est symbole de ça, c'est que même l'usine Foxconn, leur activité, mais pour une très longue période, une carrière à l'État. Mais disons qu'ils se mettent à disposition de l'État pour remplir un certain nombre de missions. Et sinon, par exemple, si tu n'assures plus ces missions d'enseignement, tu es renvoyé de l'éducation nationale, quoi. Du coup... Une, deux. Alors, c'est pas une vente où on doit régulièrement passer sur le marché du travail, mais initialement, quand tu réussis un concours et que tu rentre à l'éducation nationale, tu vends ta force de travail pour un certain nombre de services que tu rends, encadrer une classe, 18 heures par semaine, etc. Ça dépend de en fait, et ça pose la question sur un certain nombre de choses. Par exemple, effectivement, les CRS, par exemple, ne produisent pas non plus de marchandises. Et il y a un certain nombre d'autres activités qui ne produisent pas de marchandises. Dans la sphère domestique, l'activité ménagère ne produit pas non plus de marchandises. Et pourtant, avec le chiffre que j'avais donné tout à l'heure, 46 milliards d'heures de travail ménager contre 45 milliards d'heures de travail salarié, on voit que c'est des activités qui en fait sont essentielles au capitalisme. Le capitalisme ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas des CRS qui réprimaient les révoltes, qui empêchaient la destruction des biens capitalistes, etc., etc. Le capitalisme ne pourrait pas non plus fonctionner sans cette activité ménagère gratuite qui permet, puisque les travailleurs n'ont pas besoin de payer pour quelqu'un qui leur fait à manger, quelqu'un qui leur fait le ménage, etc. Ça permet aussi de mettre des salaires plus bas. C'est ça l'intérêt pour le capitalisme de l'activité ménagère. Et du coup, pour l'école, qu'est-ce que l'école joue quand même comme rôle dans le capitalisme, même si par ailleurs, les enseignants, évidemment, disposent un peu d'une certaine marge de manœuvre. Il y a même des enseignants critiques de la valeur, dont je tairai le nom, qui enseignent à leurs élèves l'histoire à travers une histoire critique du capitalisme, de critique radicale du capitalisme. Mais disons que le rôle quand même des enseignants, c'est... Et les enseignants s'y conforment plus ou moins, mais ils ont un certain nombre quand même d'obligations. C'est de reproduire des sujets capitalistes qui vont accepter l'ordre étatique républicain, qui vont savoir compter, puisque c'est très important dans une société capitaliste de savoir compter, puisque tout est quantifié mathématiquement, l'argent, le travail, même les relations humaines, etc. Et qui ait un certain nombre de compétences, générales. Par exemple, si un employé des assurances ne sait pas lire et pas écrire, qui ne maîtrise pas parfaitement la langue française, ça pose des gros problèmes. Et du coup, même si effectivement les enseignants individuellement peuvent construire autre chose dans l'école, la fonction un peu au niveau de la société, c'est de reproduire des sujets qui vont accepter l'ordre étatique, c'est pour ça qu'on fait des cours d'éducation civique, qui vont constituer des travailleurs qui auront des compétences un peu générales. Et après, bon, dans les études, là, ça va être pour vraiment directement préparer un travail spécifique de psychologue, De façon générale, même le service public, on pourrait dire que les hôpitaux, c'est pareil. Ils ont une fonction qui pourrait être, bien sûr, vue de façon extrêmement bénéfique, etc. Mais le problème, c'est quand c'est dans un système capitaliste, c'est dévié. Disons que même ce à quoi on assiste, que ce soit dans les hôpitaux ou à l'éducation nationale, plus ça va, plus on essaie de rentabiliser, quantifier. Et bon, c'est aussi la méritocratie, contrôler. Et en tant qu'enseignant, on a des programmes, on a des choses qui sont obligatoires, comme le bac. On prépare pour le bac. Et si on ne prépare pas pour le bac, et ben après, on a le classement des lycées. Ça aussi, ça rentre dans une quantification. Donc, de toute façon, qu'on s'y échappe, qu'on n'y échappe pas, on est toujours dans un carcan. Et ça commence dès la maternelle, puisque dès la maternelle, maintenant, il y a des bulletins acquis, non acquis pour chaque compétence. 10 compétences. Donc, on est quand même, alors avec effectivement un peu de liberté, avec des petites variantes, etc. Mais on est dans un système très, très, très établi. Et ça se voit très bien dans les deux santé et enseignement qui sont vus de façon le plus positive. En fait, on est complètement... On est complètement lié à ce système. Oui, alors sur l'éducation, mais ça fait un moment que j'avais demandé, mais vas-y. J'ai 42 ans, instituteur. Je ne dis pas prof des écoles, parce qu'en fait, moi je préfère instituteur 42 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait pour remplacer l'école que chaque ménage enseigne à ses enfants? Non. Bah alors, parce qu'en fait, attends, il faut... Attends. Alors, ça, j'arrive plus à comprendre, là. Voilà. Attends. Dans l'école, dans le capitalisme. Moi, le capitalisme, de toute façon, il n'y a pas d'autres... Enfin, excusez-moi, hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que le capitalisme. Je vais répondre à ça. Bon. Alors, pour partir de là, juste, je vais en arriver là très vite, mais madame dit, depuis la maternelle, non seulement les compétences, mais les comportements. Et ça, ça va suivre le carnet de tout l'enfant. Et on voit combien l'école va être un moyen de contrôle aussi des comportements et combien d'ailleurs les parents sont angoissés par ce genre de choses. Alors pour répondre à monsieur, alors on va pas refaire, je sais pas si vous étiez au début d'abord le capitalisme n'est pas naturel, il a pas toujours existé dans l'histoire et il y a des exemples. Alors un exemple très court a été donné tout à l'heure en Espagne en 1936-1937 sur les communes, mais il y a des exemples aujourd'hui actuels ailleurs qu'ici, par exemple chez les apatistes qui ont fait une révolution en 1994 et qui ont construit une société autonome à côté, c'est-à-dire ils n'ont pas pris le pouvoir au Mexique, ils ont construit leur société et l'enseignement est très important, vous qui avez été instituteur, puisque l'enseignement et la santé notamment, on pourrait parler des autres choses structurantes de la société zapatiste ou de toute société, ce ne sont pas des instituteurs ou des enseignants, ce ne sont pas des médecins pour la santé, ce sont des promoteurs d'éducation ou promoteurs de santé. Et on s'est aperçu de quoi ? Ce sont par exemple les médecins français, cubains, dentistes, etc. J'ai des copains dentistes et médecins qui sont partis là-bas pour former les promoteurs de santé, et ce sont les paysans eux-mêmes, puisque la société zapatiste est une société de paysans, qui, à côté de leur travail sur leur propre, enfin sur la terre, en tant qu'agriculteurs, enfin c'est pas des paysans, je préfère dire, ont une fonction pour la collectivité pendant un certain nombre de mois. Renouvelable, enfin c'est tout un système un peu compliqué, je ferai un atelier là-dessus ici dans quelques temps, qui ont cette fonction d'enseignement et de santé, mais pas n'importe quel enseignement, parce que c'est ça qu'il faut vouloir. Quand Armel vous dit oui, il vous pose la question en société capitaliste, il est évident que la société zapatiste libérée du capitalisme décide collectivement et librement pour leur projet de société, quel type d'enseignement ils vont avoir. Et ce ne sont pas des fonctions à vie. C'est des fonctions qui sont remises, qui sont critiquées au sens fort, tout le temps. C'est-à-dire qu'on a les élèves, les gens de la société vont se réunir toutes les semaines ou tous les mois, j'arrête, pour dire, par exemple, ce qu'ils pensent de l'enseignement ou des instituteurs. Voilà. Non, mais je suis obligée de dire un minimum de choses pour qu'on comprenne le truc, je m'arrête. Donc, vous voyez que c'est bien dans une société donnée, on a tel type d'enseignement, dans une autre société, on aura tel autre. Bon, j'étais obligée d'aller vite, mais... Est-ce que je peux dire que dans cette société capitaliste, j'ai trouvé quand même mes parents étaient ouvriers, j'étais instit, et mes enfants ont pu évoluer, etc. Et j'ai trouvé le bonheur. Enfin, j'ai pu travailler correctement et j'ai trouvé du plaisir à travailler dans l'enseignement. Et ça veut dire que vous n'en auriez pas trouvé dans une autre, dans la même activité d'enseignement, mais dans une autre. Mais j'en sais rien, ça. Mais je vois pas trop où vous voulez en venir. Même pris comme ça, le fameux ascenseur social, de toute façon, ça ne fonctionne plus. Donc, ça marche pour les enseignants, mais... Ça marche de moins en moins. On le sait quand même qu'à terme, il y a tout un pan. Enfin, même si on reste là-dedans, même sans critiquer, même ce que, effectivement, ouvrier, incite. Moi, j'étais incite et après prof. Donc, il y a même une ascension. C'est incroyable. Primaire, secondaire. Ouais. N'empêche que cette ascension, même cette petite ascension sociale qui était... Elle est condamnée. Elle est quand même... Mais alors, le désespoir que vous donnez au nom, c'est un problème. C'est pas le désespoir, c'est du réalisme. C'est le désespoir. C'est le capital. On n'a même pas le choix de savoir si on veut ou pas la révolution. On n'a pas le choix de savoir si on veut ou pas la révolution. Allez demander aux Grecs s'ils ont fait un choix de société avec ce qui se passe avec eux. Le seul choix qu'ils ont fait, c'est d'élire Syriza, qui leur applique la même politique. Je veux dire, c'est on ne peut pas construire des utopies dans ces circonstances. Ça va venir. C'est vraiment une question de temps, c'est fini. La Grèce était la 30e puissance économique. En plus, cette réalité, c'est pas nous qui la créons, non. Juste un petit point d'ordre. Comme on est dans une assemblée, il faut vraiment éviter les dialogues, parce que personne peut vraiment les entendre, et voilà. Donc, on n'oublie pas que la parole, elle circule. Voilà. Oui, mais le dialogue, pour toi, mais les autres, personne t'entend. Personne n'entend. Voilà, on dialogue ensemble quoi, dans ce cas-là. Mais c'est monologue, sans arrêt, aligné comme dans les trucs, c'est insupportable. S'il vous plaît, simplement un à la fois en fait. On dialogue, mais poser des questions un à la fois pour que tout le monde puisse s'entendre et justement qu'on puisse se répondre. Ouais, mais c'est s'adresser à la foule, pas à personne, c'est juste ça. Mais vous avez le droit à la parole. Merci. Il y a deux points. Le premier, c'est sur le mot travail. C'est un mot qui en fait a trois sens, qu'on emploie tout le temps. Un premier sens qui veut dire un effort. Par exemple, quand tu préparais ton exposé, tu as dit « je me mets au travail ». Ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Il n'y a que celle. Oui, mais on aurait pu le dire. Oh. Tu dis souvent, ils vendent le travail. Dans le capitalisme, ils ne vendent pas le travail. Ils vendent la force. Bah oui, bien sûr. La force de travail. Là, ils vendent son activité. Mais attends, mais je vais pas finir le truc. Si je finis après, tu réponds. Là, dans l'esclavagisme, dans le féodalisme, il y a déjà... Tu as répété Armel après. Enfin... C'est tu te viens, oui, tu te mets debout, bien ici. Vous mettez debout aussi, ouais. Oui. On entend mieux. Est-ce qu'on peut mettre le micro, là ? On n'a pas le droit avant 16h pour le micro. Sinon, ça confisque le matériel. Qui est debout et fièrement. Au travail. Le mot travail a le sens plus général de créer les biens de subsistance, les biens qui nous permettent de vivre. D'accord ? C'est une activité qui a existé dans le passé et qui va exister dans l'avenir. Même dans une société non aliénée, communiste, etc., nous aurons une activité qui consiste à produire. Après, il y a un troisième sens spécifique qui prend dans une société d'exploitation, où il est un travail aliéné, où il est fait simplement par la partie basse de la société. Les maîtres d'esclaves ne travaillent pas, les seigneurs féodaux ne travaillent pas, c'est même un déshonneur. Dans le capitalisme, il va travailler, mais ça reste pour l'essentiel une activité d'exploitation et aliéné. Mais l'autre, dans le deuxième sens, c'est-à-dire créer sa vie, créer, interagir avec la nature pour pouvoir trouver les moyens de s'épanouir, pour trouver les moyens de pouvoir se nourrir, ce sens-là reste un sens général. Et confondre les deux, ça n'amène que la confusion. Même Marx le fait, on cite beaucoup Marx. Marx dit les deux, Marx dit il faut abolir le travail, et à la fin de sa vie, il dit le travail dans une société communiste deviendra le premier besoin de la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important de faire. Ne pas faire la distinction entre les deux, ça serait comme dire, comme ne pas faire la distinction entre l'amour et la prostitution. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Le travail, quelque chose que nous devons, on ne doit plus l'appeler travail, ça c'est vrai, mais l'activité productive de notre vie et de nous-mêmes, cette activité-là, on doit la prendre en main. Cela implique une révolution, ça implique les moyens de production en main, et transformer ça en une activité auto-épanouissante. Et là-dessus, je voudrais insister sur deux derniers points. C'est le premier, un des grands mensonges des sociétés staliniennes ou dans le modèle des pays de l'Est, etc., c'était l'idée qu'il fallait au début se sacrifier, travailler comme des bêtes. Ils ont inventé le stakhanovisme. On travaille comme des bêtes et puis le socialisme, ça sera pour après, quand les forces productives seront développées. S'il y a quelque chose qu'on doit apprendre de cette expérience, c'est que si demain nous avons les usines en main, si nous commençons à prendre en main les moyens de production, il faudra dès le début, dès les premiers moments, dire le travail, l'activité productrice ne peut pas être un sacrifice, elle doit être un moyen d'épanouissement dès le début, quelles que soient les conditions. Tu as parlé de l'automatisation, ça va nous aider beaucoup à pouvoir se débarrasser des tâches. Et le dernier point, quand on parle des germes, de la société future, je pense que c'est curieux qu'on n'en parle pas ici. Nous utilisons tous ici Wikipédia et même des logiciels libres. C'est le produit d'une activité et du travail de millions de personnes, souvent acharné, souvent difficile, et il est fait volontairement pour le plaisir de soi et pour être utile aux autres, et on crée un produit qui est distribué gratuitement à tout le monde. C'est ça le germe de la société future. Il y a déjà une transformation du travail dans ce qu'on appelle la production entre pairs. C'est ce qu'on fait quand on fait Wikipédia, c'est ce qu'on fait quand on fait un logiciel libre, quand on fait un film simplement pour le plaisir des autres. C'est une activité productive qui prend un effort, qui implique un vrai effort, mais qui peut être transformé et qui, dès aujourd'hui, s'affirme comme un plaisir, comme un moyen d'auto-épanouissement. Pour ça, il faut bien distinguer les différents sens du mot travail et surtout retenir ça. C'est une des premières choses, réalisations à faire quand on commencera à changer la société, c'est que chaque activité productive soit le plus possible un plaisir et un moyen d'épanouissement. Voilà. Oui, moi je voulais juste vous poser une question. Par rapport à la définition, monsieur, ouais, donc il ne m'écoute pas, mais donc par rapport à cette définition du travail, c'est-à-dire que le travail en tant qu'activité générique depuis toujours et pour toujours, en fait, vous voulez savoir, donc pour vous, quelle activité n'est pas du travail, donc vu que ce n'est pas la même chose, donc c'est quoi qui définit le travail par rapport à d'autres expressions humaines, d'autres formes d'activité. Parce que pour moi, le problème, il est là, il est situé quelque part par là. Fondamentalement, la distinction, c'est on appelle travail, on préfère activité productive, c'est les activités qui consistent à produire notre subsistance, notre vie et celle de la société. Quand on fait l'agriculture ou quand on fait même des services, etc. Et on l'oppose à des activités qui sont normalement dans la société jusqu'à présent, on l'oppose aux activités de loisirs. Le sport, jouer aux échecs, souvent les activités artistiques. Pour le moment, elles sont distinguées. Un des buts de la société future, ou dans le sens dans lequel on va, c'est la fin de cette distinction. C'est la distinction de travail et loisirs entre l'activité productive et l'activité auto-épanouissante ne soit plus séparée. Et en tant que tel, on doit le revendiquer, le voir déjà comme un objectif. C'est pour ça que le mot travail, savoir de quoi on parle, est extrêmement important. Et je crois que, justement, quand quelqu'un fait, par exemple, passe sa nuit à corriger une définition ou un texte de Wikipédia, il le fait pour son plaisir. Mais en même temps, c'est une activité qui est utile aux autres. Ici, la distinction entre loisir et travail ancienne commence à disparaître. Et c'est ça qui doit être l'objectif. C'est-à-dire, à ce niveau-là, le mot travail... L'abolition du travail, hein. L'abolition du travail au sens classique du terme, au sens de l'abolition. Souvent, par exemple, si on prend les situationnistes, par exemple, qui ont beaucoup utilisé « ne travaillez jamais », ce qui laissait perplexe beaucoup de gens, c'est-à-dire quoi, que je ne vais pas nourrir les enfants, que je ne vais pas... Mais d'abord, vous prenez souvent la peine de dire « le travail aliéné ». Ce que, contre quoi on est, ce n'est pas l'activité productive de nos moyens de subsistance, c'est contre... réaliser cette activité de façon aliénée, exploitée, où nous ne sommes pas maîtres de ce que nous faisons, où nous ne sommes pas maîtres du produit, ni de la façon dont on le fait. Voilà, derrière. Pour peut-être creuser cette distinction entre l'activité productive et l'activité non productive, en fait, le travail en tant que tel est défini comme activité productive à partir du moment, et seulement à partir du moment où il est approprié par une classe dominante. C'est-à-dire, c'est la plus-value qui définit le travail, et c'est pas sa nature de produire quelque chose qu'on puisse manger, quoi. C'est à partir du moment où quelqu'un ne travaille pas et fait travailler quelqu'un pour lui, qu'il dit ça c'est du travail, et ça c'est autre chose, c'est du loisir, etc. C'est pour cerner ce concept, ça peut pas être à part, ou en le définissant selon sa nature, puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui, inversement, à l'inverse de Wikipédia, en réalité ce qui se produit c'est que tout est professionnalisé. Tout est du travail. C'est-à-dire qu'il y a des tas de secteurs de notre existence qui sont possiblement rentables, appropriables par de la plus-value et qui n'ont rien à voir avec la production de la vie matérielle. Donc tous ces concepts-là, il faut revenir à leur source et les comprendre dans leur spécificité d'être les produits de la société capitaliste en particulier, mais de toutes les sociétés de classe en général. Et ils se condensent d'une manière très particulière dans la société capitaliste et dans la production de valeur et de plus-value. Et là, c'est peut-être... là, que vous avez quelque chose à dire, peut-être plus précisément, oui. Les amis de la verse critique. Mais c'est important de distinguer. On va pas continuer à travailler parce qu'on va continuer à produire pour manger. On va simplement plus employer faire disparaître cette distinction entre les différents stades de l'activité, parce qu'on va faire disparaître la classe qui va s'approprier une partie de notre activité pour elle-même. Et du coup, sur la question de pourquoi est-ce que j'ai employé aujourd'hui dans la société capitaliste. On appelle travail l'activité qui est vendue comme marchandise sur le marché du travail et qui produit des marchandises et de l'argent. Et du coup, en fait, moi, je préfère utiliser pour une réalité un concept et pour une autre réalité, par exemple, l'activité qui conduit à la satisfaction des besoins, mais pas en produisant des marchandises et de l'argent. Je préfère utiliser un autre mot, voilà, l'activité ou quelque chose d'autre. Et du coup, quand je parle de travail, j'ai juste parlé de l'activité qui est vendue comme marchandise et qui produit des marchandises. Et après, au-delà du coup la critique ici qui est faite, c'est la critique du travail comme activité marchandise, productrice de marchandises, du salariat, mais aussi de l'auto-exploitation, parce que ça fait le fait de même si c'est pas tous les cas dans le capitalisme, mais le fait de devoir vendre son activité à son voisin ou comme auto-entrepreneur de soi, c'est pas forcément beaucoup mieux. Ah, finalement, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est une bonne question. Qui c'est qui paye mon loyer ? Parce que là, on... Hey, mon frère. J'écoute, on discute. Qui paye ton loyer ? Va demander au Balkany. On va demander au Balkany. êtes dans oui, les Balkany, non ? Les Balkany, ils sont bien. Ils ont tout, mais c'est pas eux. J'aurais aimé être député. Vous aurez voté pour moi. Ils ont des comptes en banque. Parce qu'on va d'abord passer à la suivante. J'aurais fait pareil. Non, on va chez eux. On va aller chez eux. On a un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? La révolution. Et quand ils mangent, ils vont me mettre dehors. Dans notre truc théorique et on ne touche jamais les gens. Hein ? Réponds aussi. Non, mais vous, c'est vous qui avez. Moi, j'ai fait l'aide vieille. Mais je vais répondre si vous ne voulez pas répondre. J'ai fait le coup. J'ai envoyé un chèque. Il manquait un centime. Un centime. Je l'ai fait exprès. Ils m'ont renvoyé un courrier. Monsieur, il manque un centime. Mais tu sais quoi, dans les années 70, en Italie, ils ont fait, par exemple, la grève du loyer. Et je l'ai fait exprès. C'était 695 et 32. J'ai dit 31. J'avais pas mes lunettes. Ils m'ont renvoyé un courrier avec des menaces, monsieur. Enfin, pas monsieur, mais il sait pas qui il a au bout du téléphone. Oui, oui, parce que non, deux minutes, il faut répondre, je crois. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas parce qu'il n'a pas les codes et qu'il interrompt qu'on ne lui répond pas. Je suis désolée. Écoute, alors, moi, cette question, elle m'intéresse. Parce que si on reste dans le cadre théorique hyper intéressant de la distinction entre le travail salarié productif de valeur et l'activité, c'est passionnant, il faut le faire, mais il faut aussi, en même temps, aujourd'hui, aux gens qui se posent la question parce qu'ils n'ont pas de travail ou un travail pas rémunérateur, comment on fait ? Alors, c'est pour ça qu'on est dehors aujourd'hui, et depuis un mois, et il y a eu d'autres moments dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se réunir suffisamment nombreux et à construire, je ne sais pas comment l'appeler, je ne veux pas l'appeler révolution, mais un mouvement. Attends. Moi, je l'appelle une utopie. C'est cuit. Ok, c'est une utopie pour l'instant, mais cette utopie, si on la construit, elle va devenir réalité. Et vous le savez très bien, tous ceux qui sont autour, là, tous ceux qui sont en train d'écrire. C'est une utopie. Pour l'instant. C'est lui. Mais écoutez, la farine, c'est la parole aux autres. Ah, moi aussi. Votez pour moi, le SMIC à 2000 euros. Voilà. Merci. Voilà. J'ai déjà un bulletin. Mais justement, il faut renverser ça. En étant très nombreux, on pourra faire la grève des loyers. On l'a déjà faite. Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, qu'on travaille à ça. C'est une utopie. Ça demande. Comment s'en temps, sortir ? C'est ça qu'on essaie de faire. Un micro, madame, vous arrêtez pour un micro, vous arrêtez. Mais non, madame, elle veut la grappe du loyer. Mais pour un micro, elle n'a rien fait. Il y a des flics qui sont venus, ils ont fermé la gueule. Tout le monde a fermé sa gueule. Vous voulez faire un micro ? Arrêtez. On n'est pas sûr, soyez, manipulez pas les gens comme ça, c'est pas bon. C'est pas la même chose. Lui, il va faire ce que vous dites. Et vous allez payer votre loyer à la fin, c'est pas bon. Pour un micro, vous avez rien dit tout à l'heure. Tous ceux qui sont là, vous le savez, peut-être pas les jeunes, mais en tout cas les anciens, ils savent. On va terminer cette intervention sur ça. Ouais. Merci Armel.